Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y a eu une commission d'enquête qui a été lancée pour permettre au président Coty de se de juger de s'il fallait ou non la grâce. Oui, la grâce présidentielle. Mais ensuite, oui, il y a eu bien sûr tout était réuni pour qu'il y ait des tensions de cet ordre-là. Lobaudy, la famille Lobaudy, qu'est-ce qu'elle est devenue, qu'est-ce qu'elle devient, quel est encore son poids aujourd'hui, est-ce qu'il y a l'ombre des Lobaudy sur, non, sur les choses ont beaucoup changé. J'imagine. Oui, les choses ont beaucoup changé, la famille a un peu éclaté, et puis les choses sont différentes. D'ailleurs, les 23 fermes, au passage, c'est vous dire aussi l'état de la ruralité, les 23 fermes dont il est question dans le récit, il n'y en a plus aucune d'occupée. Et dire aussi en même temps l'état de l'agriculture dans notre région. Ça dit ça aussi. Léandre Boiseau, on se retrouve dans 3 minutes après avoir écouté Animal Triste, Tell Me How Bad I Am. Sur France Inter.